Parce que les frères, ils ne sont pas arrivés, mais tant pis. Donc, on commence, Inch'Allah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication du livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab Al-Kaba'ir, Kitab Al-Kaba'ir, avec le charh de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et donc on est arrivé donc aujourd'hui au chapitre Bab Al-Qalaq Wal-Ittirab. Al-Qalaq Wal-Ittirab. Et comment on peut traduire Al-Qalaq Wal-Ittirab? C'est yani, Al-Qalaq, tous les problèmes qui ont rapport avec quand on se sent mal à l'intérieur de soi-même. Le fait d'être anxieux, le fait d'être déprimé, le fait d'être yani, toutes ces choses-là. Puis al-ittirab, c'est lorsque tu es pas stable à l'intérieur, lorsque tu te sens pas bien. Ittirab, c'est tu es pas en paix. On va expliquer un petit peu plus avec l'exemple que le cheikh il donne comme verset, comme hadith, et la signification que Cheikh Saleh Al-Fawzan va donner comme clarification de cette signification-là. Et ça va nous éclairer un peu plus sur qu'est-ce qu'il veut dire dans ce sens-là, yani, de quoi il parle exactement. Et yani, pourquoi ça fait partie des kabair. Il dit « قول الله تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » الآية. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية يعني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Donc ça, c'est les trois versets que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné dans l'introduction de ce chapitre. Et on va lire donc la traduction de ces versets. Le premier, c'est dans Surat Al-Fath. Dans Surat Al-Fath, et c'est à propos de yani, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit il a fait descendre yani, la tranquillité, La paix, la tranquillité, la sérénité sur son messager, ou la quiétude aussi, des fois c'est traduit par la quiétude. Il a fait descendre la quiétude sur son messager et sur les croyants. فأنزل الله سكينته على المؤمنين على رسوله وعلى المؤمنين. Et le verset au complet, lorsqu'on regarde, c'est le verset 26. dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Donc ce qui signifie: quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur, de l'ignorance, puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants. Et ça, c'est la partie qui est citée dans l'introduction. Et il dit: et il les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Et Allah est omniscient. Ensuite, il mentionne le verset 65, pardon, dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'aient pas pris comme juge dans tous les désaccords qu'ils ont entre eux, puis qu'ils n'auront trouvé en eux-mêmes aucune gêne à propos de ce que tu auras décrété. La gêne, al-haraj, c'est dans ce sens-là, al-qalaq wal-ittirab, le fait de ne pas être en paix, de ne pas être en sérénité et de ne pas être en pleine quiétude dans notre cœur par rapport à ce que Allah a révélé. C'est dans ce sens-là. Il dit wa qawluhu ta'ala, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 27 et 28 dans Surat Al-Fajr, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, il s'adresse à l'âme, il dit: ô toi, l'âme apaisée, reviens vers ton Seigneur satisfaite, dans l'agrément de ton Seigneur. Satisfaite et dans l'agrément de ton Seigneur. Donc, ça, c'est les versets qui sont mentionnés. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit: هذا الباب كأنه تفسير للباب الذي قبله، فالقلق والاضطراب عند وقوع القضاء والقدر يعد من الكبائر، وأما الرضا بقضاء الله وقدره فهو من علامات الإيمان. ولهذا إذا أصيب المسلمون بمصيبة أو سلط عليهم عدو أنزل الله عليهم السكينة والاطمئنان وعدم القلق، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرجه الكفار من مكة. قال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. Donc le cheikh, il explique que ça, c'est comme une explication du chapitre précédent, puisque le chapitre précédent, on a parlé du fait de ne pas être en colère contre la prédestination et le décret divin, et que d'être en colère et d'avoir des de ne pas être en paix et en sérénité par rapport à qu'est-ce qui a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala dans la prédestination et dans le décret divin, que ça fait partie des grands péchés. On a expliqué ça dans les derniers cours. Et ensuite, donc, maintenant, le cheikh, il dit que le chapitre qu'on est en train de voir maintenant, ce chapitre, maintenant, ça explique qu'est-ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Parce que le chapitre précédent, c'était à propos de la sorte, le fait de ne pas être, d'être en colère ou de ne pas être content de ce que Allah a prédestiné. Donc, on a expliqué que ça fait partie des grands péchés. Il dit, en ce qui concerne le fait d'être satisfait, de qu'est-ce qu'Allah a décrété, de qu'est-ce qu'il a prédestiné, il dit ça fait partie des signes de la foi. Et lorsque le musulman est frappé par un malheur quelconque ou par une difficulté, ou bien qu'un ennemi prend le dessus sur lui, eh bien, qu'est-ce qui arrive aux croyants? Yani, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur eux la quiétude et la tranquillité et la sérénité et le fait de ne pas être anxieux ou d'être craintif. Comme cela est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque les kuffars l'ont expulsé de la Mecque ou l'ont forcé à sortir de la Mecque lorsqu'il est parti pour la hijra vers Médine. Et c'est mentionné dans le verset 40 dans Surat At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala, il clarifie qu'est-ce qui a été dit par rapport à cet événement-là lorsqu'il était dans la grotte, hein, lorsqu'il s'était réfugié dans la grotte avec Abu Bakr, et il craignait que les mushrikines les voient. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans le verset: Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, le deuxième de deux, c'est-à-dire ils étaient deux, lui et Abu Bakr radiyallahu anhuma radiyallahu anhu wa sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: la tahzan, ne sois pas triste, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. La tahzan, inna Allah ma'ana. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Il dit, Allah fit descendre sur lui sa sérénité, sakina, et sa sérénité et le soutien des soldats que vous ne voyez pas, c'est-à-dire des anges. Donc, ça c'est pour clarifier que, c'est pour clarifier que il y a une sérénité qui descend sur le croyant lorsqu'il y a des épreuves. Il dit: fal muslimu fi jami'i ahwalihi mutma'innun fi as-sara'i wad-dara, wa huwa dalil wa hadha dalilun 'ala al-iman bi qada'i Allahi wa qadarihi. Wa li hadha lamma asaba al-muslimuna ma asabahum fi waq'ati Uhud, ba'd ahli al-iman قد أصيبوا بالنعاس لأنهم مطمئنون وفي النوم أمان، فهم مع ما أصابهم من القلق والجراح والقتل غشيهم النعاس أمنة من عند الله، كما قال سبحانه وتعالى يصف المؤمنين يوم بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Donc ça c'est le verset 11 dans sourate Al-Anfal. Il dit: وفي وقعة أحد كذلك قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهذا يبين أن وجود المرء في ساحة المعركة ليس هو الذي يدني أجله، بل إنه لو كان في بيته ثم حل أجله لم يستقدم ساعة ولا يستأخر، إنها آجال مضروبة، ولهذا كان المؤمنون المطمئنين وهم في وسط الوغى، حتى إن أحدهم ليسقط منه الصوت من شدة النعاس. وفي هذه الحالة فرق بين المؤمن والمنافق، فالمؤمن مطمئن وليس عنده قلق ولا اضطراب عند حدوث المصائب، فهو ينام مطمئنا قرير العين راضيا بقضاء الله وقدره، ينتظر الفرج من الله عز وجل ويحتسب في المكاره والمصائب في سبيل الله. وأما المنافق فعلى العكس من ذلك، لأن رضاه وغضبه من أجل الدنيا فقط. Donc le cheikh il dit que le musulman dans toutes ces situations il est toujours plein de quiétude et de tranquillité, que ce soit dans les moments d'aisance ou dans les moments de difficulté. Il dit ça c'est la preuve de la foi qu'il a en le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et en sa prédestination. Et c'est pour cette raison que lorsque les musulmans ont été touchés ou affectés, hein, ou ils ont eu des épreuves lors de la bataille de Uhud, lorsque c'était difficile pour eux, certains d'entre les gens de la foi ont été touchés par de la somnolence. Pourquoi? Parce qu'ils étaient totalement en tranquillité et en quiétude en eux-mêmes. Et dans le fait de, dans le sommeil, il y a une sécurité, il y a une sérénité, il y a une sécurité dedans. Et donc, malgré tous les problèmes qu'ils avaient et le fait qu'ils étaient en plein milieu d'une guerre et d'une bataille, hein, et qu'il y avait des blessés, il y avait des gens qui se faisaient tuer autour d'eux, et ils ont été couverts par la somnolence et la fatigue. Hein. Et ça, c'est une sécurité qui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, à ce moment-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants le jour de Badr, et il dit dans le verset 11, dans Sourate Al-Anfal, on va lire ensemble qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'il dit. Le verset 11 dans Sourate Al-Anfal. Ça explique justement que Allah subhanahu wa ta'ala, il a couvert les croyants d'une fatigue. C'est comme une somnolence. Hein? Il dit ce qui signifie, et quand il vous enveloppa de sommeil, comme d'une sécurité de sa part, et du ciel, il fit descendre l'eau sur vous, afin de vous purifier et d'écarter de vous la souillure du diable, et de renforcer les cœurs et d'en raffermir les pas. Hein? Subhanallah. Donc, ça c'est pour montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il y a des malheurs et des difficultés et des situations angoissantes, au lieu d'être angoissé, le croyant il est en sérénité et en pleine quiétude. Et son cœur, même parfois, il s'endort. Il a presque envie de dormir à ce moment-là. Alors que les autres, ceux qui n'ont pas la foi ferme ou ceux qui ont de l'hypocrisie dans le cœur, eh bien c'est le contraire. Subhanallah, ils n'arrivent pas à dormir. Et vous voyez ça même, les kuffars, quand ils ont des problèmes, ils disent par exemple, ah, j'ai pas fermé l'œil. J'ai pas été capable de fermer l'œil de la nuit. J'étais incapable de dormir. Hein? Tandis que le mu'min, il dort, hein, les points, comme on dit, les points fermés. Hein? Hein? Il dort d'un sommeil profond. Il est en pleine tranquillité, en pleine sérénité, malgré la situation angoissante dans laquelle il est. Hein? Parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le raffermit et qui lui donne cette tranquillité et cette sérénité en lui. Et subhanallah. Et il cite ensuite un autre verset aussi dans la bataille de Uhud. Parce que ça, c'était dans la bataille de Badr. Qu'est-ce qu'on a lu l'autre verset dans Sourate Al-Anfal à propos de la bataille de Badr et également dans la bataille de Uhud, comme c'est mentionné dans la Sourate Al-Imran, le verset 154. Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de la Jahiliyyah. Ils disent, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dis, l'affaire tout entière est à Allah. Hein? Ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Ils disent, si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués ici. Dis, si vous étiez dans vos maisons, ceux qui la mort avait été décrétée pour eux seraient sortis vers l'endroit où la mort les attendait. C'est-à-dire, même si vous étiez restés dans vos maisons, vous seriez sorti vers là où la mort vous attendait. Car Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ce que vous avez dans vos poitrines. Et c'est afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il vous purifie. Qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Donc, le cheikh, il explique ici que ça, c'est la preuve que le fait que la personne soit en plein milieu du champ de bataille, ça ne le rapproche pas plus de son terme fixé. C'est-à-dire le terme fixé pour lui pour l'heure ou le moment de sa mort. Et il dit que il n'y a pas de différence en réalité, le fait qu'il soit en plein milieu du champ de bataille, avec les gens autour de lui qui sont en train de se faire frapper par des épées ou bien des lances ou des flèches. Il n'y a pas de différence entre ça et le fait d'être assis calmement dans le confort de ta demeure. Parce que l'heure de ta mort, elle a déjà été prédestinée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'être dans ta maison ou le fait d'être dans le champ de bataille, ça ne va pas la faire avancer d'une heure ni la faire reculer d'une heure. C'est-à-dire que la seconde près où tu dois partir, où Allah va prendre ton âme, c'est à ce moment-là qu'elle va être prise. Tu peux rien faire pour changer ça. Et donc le croyant, il est en complète quiétude et en complète sérénité. Alors qu'il est en plein milieu de tout ce qui se passe, ou en plein milieu du combat, de la poussière, et il y en a des gens qui sont en train de se battre. Et il dit, l'un d'entre eux, parfois, il était tellement fatigué ou en état de somnolence pendant, même en plein milieu de cette situation-là, et il échappait son fouet. Pourquoi? Parce qu'il était, Allah, il mettait sur lui cette tranquillité et cette fatigue, ce sommeil. Et c'est ça la différence entre l'état du croyant et l'état du munafiq, l'hypocrite. Parce que le croyant, lui, il est en quiétude, tranquille. Il n'a pas d'anxiété ou d'angoisse en lui-même. Lorsqu'il y a des malheurs ou des épreuves ou des difficultés, il dort calme, en pleine tranquillité. Et il ferme ses yeux, satisfait de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son décret. Et il entend et il attend que Allah subhanahu wa ta'ala le libère de cette épreuve. Parce qu'il s'en remet à Allah. Il dit, il n'y a rien, de toute façon, c'est qu'est-ce que Allah a écrit, c'est ça qui va arriver. Je ne peux pas rien changer à ça. Si je dois mourir, ça va arriver. Et donc, il supporte les difficultés et les malheurs dans le sentier d'Allah. Tandis que l'hypocrite, lui, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que il se met en colère et il est satisfait uniquement par rapport à la dunya. Donc c'est pour ça. Et subhanallah, des fois c'est comme ça, le croyant il passe à des situations comme ça. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. En ce qui concerne la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parle-en. Et bien juste par rapport à cet exemple qu'on lit dans les versets ici. Et je me souviens quand il y a eu des moments où il y a eu beaucoup de pression lorsqu'on était ici à Montréal, puis on faisait la da'wah à Allah, puis il y avait des pressions de tous les côtés, de la part des kuffars, de la part des musulmans, de la part des mubtadi'a qui faisaient de la fitna. Et puis à ces moments-là, subhanallah, je me rappelle même des fois après la prière de Isha. L'hiver, c'était... Aïcha, on priait à 7h, 7h30 des fois. Et quand je rentrais à la maison, Walaykoum salam wa rahmatullah. Juste, je m'allongeais sur le sofa, puis je tombais endormi. Alors que le, comme on dit, la pression médiatique était chaude à ce moment-là. Et donc, c'était un moment très angoissant, mais malgré tout, alhamdoulilah, c'était les moments de ma vie où j'ai le mieux dormi. Et j'espère que c'est un signe, inshallah, j'espère que ça fait partie de qu'est-ce que le cheikh il décrit ici dans ces versets-là. Et non, Allah al-Musta'an. Et aussi dans les situations comme ça. Donc, je dis pas ça pour essayer de me glorifier ou de vanter ma personne ou quoi que ce soit de ce genre. Allahu a'lam de qu'est-ce qui est la réalité dans cette situation-là, mais c'est uniquement pour dire yani, la situation, comment les choses s'étaient passées, puis comment je me suis retrouvé dans cette situation-là. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne yani, cette sérénité, cette tranquillité dans toutes les épreuves qui peuvent nous atteindre dans sa religion. Yani. Et il dit « وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَلَى فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حتى يحكموك فيما شجر بينهم وهذا قسم من الله تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون يعني نفى عنهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في الاختلاف بينهم فالاختلاف يقع بلا شك ولكنه يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة فمن شهد له الكتاب والسنة بأن الحق له حكم له بذلك وعلى الطرفين أن يرضي بالحكم هذه هي صفات المؤمنين وهذه الآية جاءت في أعقاب آيات أنكر الله عز وجل فيها على من يدعي الإيمان بما أنزل على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في حل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il mentionne l'autre verset ou bien le deuxième verset qui est mentionné par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est le verset 59, non pas 59. C'est 65 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris, ô Muhammad, comme juge, dans leurs disputes, dans leurs désaccords, dans leurs divergences entre eux. » Et ça, c'est un serment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il prend ce serment par lui-même. Hein, parce que il dit que ils ne seront pas croyants. C'est-à-dire, ceux-là ne seront pas croyants, ils nient la foi hein, de ceux qui ne prennent pas le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme juge dans les divergences qu'il y a entre eux. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il t'ait pris, toi, le messager, comme un juge dans les divergences qu'il y a entre eux. Et donc, les divergences, elles arrivent sans aucun doute. Mais elles sont calmées et elles sont disons apaisées par le fait de revenir au livre d'Allah et de revenir à la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59 dans sourate An-Nisa, et si vous divergez ou si vous avez vous divergez en quoi que ce soit à propos de quelque chose quelconque dans la religion ou dans quoi que ce soit, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le ou renvoyez-le à Allah et à son messager. Il dit le cheikh, c'est-à-dire retournez-la cette divergence au Coran et à la Sunna. Hein, donc, celui pour qui le Coran et la Sunna ont témoigné que c'était lui qui avait le droit, c'était lui qui était sur la vérité, alors on va juger en sa faveur dans cette chose-là. Et les deux côtés doivent être satisfaits du verdict. C'est-à-dire que c'est pas seulement celui qui a gagné sa cause dans le jugement de cette divergence qui doit être satisfait du verdict, mais les deux côtés, le gagnant et le perdant, les deux doivent être satisfaits du verdict, hein, de la charia dans cette question-là. Et ça, c'est cette satisfaction de la part du croyant, c'est le signe c'est le signe caractéristique des croyants, ou c'est un signe de caractéristique des mu'minines, des croyants. Et il dit ce verset, il est venu à la suite de certains versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a critiqué ceux qui prétendaient avoir la foi en ce qui a été révélé sur le messager sallallahu alayhi wa sallam et en ce qui a été révélé au prophète précédent, et qui malgré cela voulaient prendre pour juge pour essayer de dénouer des disputes ou des conflits, ils voulaient juger par autre que le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors le cheikh il dit hasalat khusumatun bayna yahudiyyin wa munafiq amma al munafiq fa arada an yadhhab li yabhath an makhraj min al hukm al shar'i wa man kana hadha mawqifuhu fa huwa laysa bimumin wa fi'luhu hadha min al kaba'ir al mubiqah allati tanzi'u an sahibiha صفة الإيمان ولهذا قال المنافق نختصم إلى اليهود لأنهم يأخذون الرشوة وفي حين قال اليهودي نختصم إلى محمد لأنه يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بالحق ولا يأخذ الرشوة ولذلك كان اليهود يرضون به فالله قد فضح هذا المنافق بقوله فلا وربك لا يؤمنون يعني والرسول صلى الله عليه وسلم ليس محكما في الأمور الأموال فقط وإنما في كل الأمور وفي كل خلاف سواء في العقيدة وهذا أهم من الأموال أو في غيرها من المسائل والقضايا فلا بد أن نرجع في كل القضايا التي ينشأ عنها الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولا يكفي أن يحكم الرسول فيما اختلفوا فيه ليحل النزاع فحسب ولكن كما قال تعالى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم نعم ويسلم تسليما فإذا حكموا الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم لهم أو عليهم ثم وجدوا في أنفسهم حرجا ولم يسلموا أي لم يرضوا بذلك فهذا دليل على عدم وجود الإيمان في قلوبهم لأنه من صفات المؤمن أنه يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم له أو عليه. Donc on va traduire qu'est-ce qu'on vient de lire. Le cheikh il dit qu'il y a eu une dispute ou un désaccord entre un juif et un hypocrite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet hypocrite, il a voulu aller chercher une issue, hein, pour se sortir du verdict de la charia. Il cherche une sortie, une excuse pour sortir du verdict de l'islam. Et lui, sa position, il dit dans cette position-là, dans sa position, il n'a pas eu l'attitude du croyant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ça fait partie des grands péchés qui font périr et qui retirent de la personne la caractéristique de la foi. Il dit, parce que cet hypocrite a dit à ce juif, on va aller prendre pour juge un juif. Parce qu'il savait que le juif, il prend des pots de vin. Hein, comme on dit, pots de vin, c'est le terme pour désigner, hein, comme on dit, des enveloppes en dessous de la table, hein, des enveloppes brunes, comme ils disent. Hein. C'est-à-dire que quand l'argent qui n'est pas déclaré ou qui est donné illégalement, tu passes ça en cachette, tu dis, regarde, je te donne ça, tu juges en ma faveur. Hein. C'est pour ça que les gens, ils disent... qu'il y en a des fois, ils achètent le juge. Hein? C'est ça que ça veut dire, acheter le juge. Tu lui donnes de l'argent pour qu'il juge en ta faveur et non en faveur de ton opposant, même si c'est toi qui as tort. Hein? Ça, c'est ça la corruption. Donc il sait que le juif, lui, il accepte l'argent. Hein? Et il va juger en ta faveur si tu le payes. Tandis que le juif, lui, avec qui le munafiq avait le conflit, il a dit, non, on ne va pas aller voir le juif. Et lui, les juifs, il connaît les juifs comme lui, il ne veut pas aller voir le juif. Il dit, non, on va aller voir le prophète Mohammed. Mais lui, il ne croit pas au prophète Mohammed. Donc pourquoi il veut aller voir le prophète Mohammed? Il dit, parce qu'il sait que le prophète Mohammed, il ne prend pas de pot de vin. Donc il est certain que c'est lui qui a raison, donc il n'a pas peur. Et il sait qu'il n'a pas besoin de pot de vin parce qu'il est sur le haqq. C'est-à-dire c'est son droit. Il n'a pas besoin de tricher. Donc, il dit à cette personne qui se dit musulmane, mais qui est un hypocrite en réalité, non, on ne va pas voir le juif, on va aller voir Mohammed. Hein, pourquoi il veut aller voir Mohammed? Parce que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il ne prend pas de pot de vin. Hein, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent pour changer son jugement. Alors, hein, Le juif, lui, il était satisfait à cause de ça, mais le munafiq, non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a démasqué cet hypocrite lorsqu'il mentionne dans le verset, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants. Hein? Donc, il dit que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qu'on doit prendre pour juge. Pas juste dans les questions d'argent, mais dans toutes les affaires. Dans toutes les affaires qu'on a, dans les choses dans lesquelles on a des divergences ou des conflits. Même si ça peut faire partie de l'argent, ça peut faire partie de la aqida, hein, la croyance, il dit ça c'est encore plus grave, c'est encore plus important que l'argent, parce que les questions de croyance c'est la base de la religion, ou bien ça peut être d'autres questions ou d'autres conflits, des questions sur d'autres sujets, le mariage, le divorce, l'héritage ou autre. Il dit donc il faut absolument qu'on retourne dans toutes ces affaires-là vers le livre d'Allah et vers la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre le livre pour juger entre les hommes dans les choses dans lesquelles ils divergent. Et donc c'est pas suffisant, hein, que on prenne le messager sallallahu alayhi wa sallam dans nos divergences, comme on le prenne comme juge dans nos divergences pour régler ces conflits. C'est pas suffisant. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, puis qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne, hein, aucun problème en eux-mêmes, dans leur cœur, pour ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a décrété, et qu'ils se soumettent complètement à son jugement. C'est-à-dire qu'une fois que le messager sallallahu alayhi wa sallam il a jugé, c'est pas juste tu vas le prendre comme juge, puis après c'est fini. Après il va juger pour toi, t'es content. Il juge contre toi, là, t'es fâché. Non, c'est pas comme ça. Tu dois être satisfait qu'il ait jugé pour ou contre toi. Peu importe la situation des deux. Donc, tu vois, des fois, les gens, hein, ils sont juste contents, satisfaits du Coran et de la Sunna quand c'est dans leur côte, dans leur faveur, dans leur intérêt. Ah, ça c'est bon, mashallah. Le Coran et la Sunna, c'est moi qui ai raison. Ils ont dit que, hein, le juge il a dit, c'est moi qui ai raison. Il a jugé selon le Coran et la Sunna, j'accepte ce jugement. C'est moi qui ai gagné. Mais lorsqu'il va en cours devant le juge, hein, dans un pays musulman, et que le juge, il juge selon le Coran et la Sunna, et qu'il donne un verdict, puis il dit, c'est toi qui as tort. Là, tout d'un coup, là, il dit, non, j'accepte pas ce jugement-là. Je m'en vais au tribunal des kuffars. Eux, ils vont juger pour ma faveur. Ils vont juger selon les lois des hommes. Et c'est moi qui vais avoir raison dans ce cas-là. Moi, je n'accepte pas le jugement de la charia quand c'est contre moi. Ça, c'est pas l'attitude du mu'min. Et c'est ça que le cheikh, il explique. Il dit, tu dois être en sérénité et en quiétude et accepter pleinement et être satisfait du jugement qui vient de la charia, du Coran et de la sunna, même si c'est en contradiction avec tes désirs et tes intérêts. Et le fait que tu ne sois pas satisfait et que tu aies trouvé en toi de la gêne par rapport au jugement du Coran et de la sunna, ça c'est une preuve qu'il n'y a pas de foi dans le cœur. Il dit, et ça c'est, il dit parce que parmi les caractéristiques du croyant, c'est qu'il doit être satisfait du verdict du messager sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit pour ou contre lui. Et il dit ensuite, wa qawluhu ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna al-murad bi dhalika sahib an-nafs al-mutma'inna bi qada'i Allah wa qadarihi wa taslim bi hukm Allah jalla wa ala wa tmi'nan an-nafs إنما يكون بالإيمان واليقين وليقال وليقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية فيقال للنفوس المؤمنة ارجعي إلى صاحبك أي الجسد الذي كنت تسكنين فيه راضية عن الله مرضية عند الله سبحانه وتعالى هذه خير عاقبة لمن كانت نفسه مطمئنة في هذه الدنيا بالإيمان وبقضاء الله وقدره تخاطب يوم القيامة عند البعث والنشور فيقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية أي إلى جسدك الذي كنت فيه أو إلى خالقك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والشاهد في ذلك هو قوله المطمئنة أي بقضاء الله وقدره وإلى أحكامه الشرعية المسلمة المسلمة لله أو المسلمة لله عز وجل. Donc, le cheikh, il explique, en ce qui concerne le verset dans Surat Al-Fajr, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à l'âme qui est en tranquillité, en quiétude, hein, il dit, « Oh toi, l'âme qui est pleine de quiétude », il parle de la personne qui avait une âme qui était qui avait accepté, qui était en sérénité et en tranquillité par rapport au décret d'Allah et par rapport à sa prédestination. Et qui s'était soumis à son jugement. Et donc, elle a une âme, c'est une âme qui est apaisée, qui est en tranquillité, une âme qui est pleine de quiétude. Et ça, c'est uniquement pour l'âme qui a la foi et qui a la conviction et la certitude. Et c'est pour ça qu'on dira à cette âme, ô toi, hein, âme qui est en tranquillité et en quiétude, retourne vers ton Seigneur en agrément, hein, dans l'agrément et satisfaite de ton Seigneur. Donc on va dire à cette âme, retourne vers le corps que tu avais lorsque tu étais dans la dunya et tu seras satisfaite de ton Seigneur et dans son agrément. Et ça c'est la meilleure conclusion pour l'âme qui était avec la foi dans cette vie d'ici-bas et qui avaient été satisfaites du jugement, du décret et de la prédestination d'Allah. Et donc Allah va s'adresser, ou bien on va s'adresser à cette âme au jour de la résurrection de cette façon, et on va lui dire: retourne vers ton Seigneur satisfaite et dans son agrément. C'est-à-dire vers le corps que tu avais dans la dunya, l'âme, hein, Allah lui dit: retourne vers ton corps que tu avais dans cette dunya et retourne vers ton Seigneur satisfaite et dans son agrément. Et il va dire: rentre dans mon serviteur et rentre dans mon paradis. C'est-à-dire, il dit à l'âme: entre dans mon serviteur et rentre dans mon paradis. Et donc, le cheikh, il dit que, qu'est-ce qu'on veut mentionner dans ce verset-là? C'est en particulier la question de al-mutma'inna, le fait que cette âme, elle est en tranquillité et en quiétude. Elle s'est soumise complètement à ce que Allah a décrété, et ce qu'il a prédestiné, et ce qu'il a donné comme jugement par rapport aux règles de la charia. Et donc, elle est complètement et entièrement soumise à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pour ça qu'elle est en tranquillité. Ensuite, le cheikh, il cite maintenant, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne un hadith. Et ce hadith-là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, « وَلَهُمَا لَهُمَا عَنِ الْبُخَارِ وَمُسْلِمِ » On avait cité un hadith avant. On n'a pas cité de hadith. Donc, de toute façon, il dit « Walahuma » parce que peut-être que dans le chapitre précédent, il y avait le dernier hadith qu'on avait cité, peut-être que c'était par rapport à ça. Non, c'était pas ça. Allahu a'lam. Je ne sais pas pourquoi il dit « Walahuma ». Il dit donc, Al-Bukhari et Muslim, ils ont rapporté selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, laysa ash-shadidu bis-sur'a, laysa ash-shadidu bis-sur'a, wa innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, wa innama ash-shadid man yamliku alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Abu Huraira, radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit: la personne qui est forte, qui est la vraie personne forte, c'est pas celle qui est, yani capable d'écraser les autres ou de les battre, à la lutte, ou de les frapper, et ainsi de suite. Non. La vraie personne qui est vraiment forte, c'est celle qui est capable de retenir sa personne lorsqu'elle est en colère. C'est-à-dire, quand elle est fâchée, elle est capable de se retenir. Ça, c'est la vraie personne qui est forte. Sinon, tu vois, il y a des gens avec les gros bras, gros muscles, très très musclés, bien forts. Et ils mesurent 6 pieds, 7 pieds, comme ça, costauds. Ils sont capables de casser les os, briser briser les gens facilement, avec un coup de poing. Mais il n'est pas vraiment, c'est pas lui le fort. Le fort, le prophète me dit, celui qui est fort, c'est celui, quand il est en colère, il se retient. Il est capable de se contrôler. C'est plus difficile de se contrôler que de frapper les gens. C'est facile. Frapper les gens quand tu es en colère, ça c'est facile. Mais de te retenir lorsque tu es en colère, c'est ça qui est difficile. Il dit, le cheikh, quand le musulman yamsiku nafsahu 'inda al-ghadab, fala tahsulu minhu mubadarat sayi'ah. ولا تصرفات خاطئة فإن هذا من الاطمئنان الذي يرزقه الله لمن يشاء من عباده فلا ينساق وراء غضبه ولا ينفعل مع الغضب بل يمسك بزمام نفسه حتى يذهب غضبه وأما الضعيف الإيمان أو عديم الإيمان فإنه إذا غضب لا يبالي ماذا فعل أو ماذا قال لأنه ينجر وراء غضبه. والحديث فيه إرشاد إلى أن من أغضبه أمر وأرادت النفس المبادرة إلى الانتقام ممن أغضبها أن يجاهدها ويمنعها مما طلبت حتى يزول عنها الغضب فالله جل وعلا وصف المؤمنين بقوله وإذا ما غضبوهم يغفرون، وقال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأن الشيطان يحضر عند الغضب، والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم وهو يحمل الغضبان، يحمل الغضبان على أن يعصي الله، وربما حمله على الكفر والعياذ بالله، أو على القتل، أو على السب والشتم والقذف والكلام القبيح. أما المؤمن فإنه يملك نفسه، وهذا يعني شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقوى الناس، فليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس بقوته، وإنما هو الذي يملك نفسه عند الغضب بما أعطاه الله من قوة الإيمان، وهي أقوى من قوة البدن. والحاصل من هذا أن الانفعال مع الغضب يعني يعد كبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما إذا ترتب عليه معصية أو نتج عنه قتل أو كلام قبيح، كأن يسب الله عز وجل أو رسوله أو أن يسب الدين، نسأل الله العافية. Donc le cheikh il explique que le musulman il doit se retenir lorsqu'il est en colère pour pas qu'il y arrive des conséquences négatives et mauvaises et des comportements qui sont incorrects lorsqu'il est en colère. Et donc il faut que la personne soit en tranquillité et en quiétude par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné et à qui il a donné de parmi ses serviteurs, puisqu'il donne à qui il veut parmi ses serviteurs, et ça fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses serviteurs comme il veut. Il va pas, la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné ça, cette quiétude et cette tranquillité, il va pas courir derrière la colère lorsqu'il est en colère. Il ne va pas s'emporter avec la colère et se laisser mener par la colère. Au contraire, c'est lui qui va prendre le contrôle de son âme et qui va retenir son âme. Il ne va pas la laisser partir avec la colère. Comme un animal fou, un cheval, ou bien, comme on dit, moi c'est souvent je dis ça, il part sur son cheval. Quand quelqu'un il est vraiment en colère, il monte sur son cheval, puis le cheval là on l'emporte, le cheval il perd la tête, devient fou. Même si tu essaies de l'arrêter, de le calmer, de le ralentir, il veut pas. Il est parti au galop. Il n'y a rien à faire. Tu essaies de tirer les cordes, non, ça fait rien. Tu essaies, par tous les moyens, tu lui dis wow, non, il ne s'arrête pas. Il est devenu fou, il a perdu la tête. C'est ça la colère. Nasallallahu al-afiyah. Il y a des gens, quand ils sont embarqués sur la colère, ils ne peuvent plus descendre. C'est comme ça, tu lui dis calme-toi, arrête. Non. Ils sont partis, ça y est. Alors, ça c'est pas une caractéristique de celui qui a la foi. Ça c'est une caractéristique de celui qui a la foi faible ou qui n'a pas de foi du tout. Et il dit donc, le cheikh, donc ça c'est soit que la personne elle est faible dans sa foi ou qu'elle n'a pas de foi du tout. Pourquoi? Parce que lorsqu'il se met en colère, qu'est-ce qu'il fait par la suite ou qu'est-ce qu'il dit, ça ne lui dérange pas. Une fois qu'il est en colère, il va dire n'importe quoi. Il va faire n'importe quoi. Et puis tu lui dis arrête, calme-toi. Non, ça ne lui dérange pas. Il continue, se laisse aller dans la colère. Et le cheikh il dit que dans le hadith, il y a une orientation vers le fait que celui qui a été mis en colère par quelque chose, qui a été poussé à la colère, et que son âme l'invite à vouloir se précipiter vers la vengeance de ce qu'il a mis en colère, de ce qu'il trouve en lui-même, qu'il doit lutter contre ça. Et il doit empêcher son âme d'aller vers ce que son âme lui demande. Jusqu'à ce que la colère disparaisse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les croyants comme ça. Dans le verset 37, dans surat Ash-Shura, il dit « وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ » Et lorsqu'ils se mettent en colère, ils pardonnent. Hein? Et le verset aussi dans surat Fussilat, les versets 34, 35 et 36. Dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne comment le mu'min, il doit agir avec les gens par rapport à le mauvais comportement qu'ils ont parfois, s'ils ont un mauvais comportement envers eux, comment on doit réagir. Et donc il dit la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit repousse, il dit ce qui signifie repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité, c'est-à-dire un conflit, une colère, une dispute, il devient un ami chaleureux. Pourquoi? Parce que au lieu de répondre au mal par un mal, toi tu réponds au mal par un bien. Alors lui, il était en colère contre toi, maintenant il devient comme un ami chaleureux envers toi, au lieu d'être fâché encore plus. Parce que c'est comme si ta colère, c'est comme un four. Hein? C'est ça. C'est comme le cheikh il dit que la colère, c'est comme le shaitan qui a jeté un charbon brûlant, hein, dans ton cœur. Dans le cœur du fils d'Adam. Il prend un charbon qui est brûlant, il le met dans ton cœur. Donc, c'est comme un fourneau. Ton cœur devient comme un four. Et qu'est-ce qui va alimenter la chaleur de ce four? C'est de rajouter encore plus de choses mauvaises dedans, de la colère. Donc, lui, il te dit quelque chose qui te met en colère. Toi, tu lui réponds par quelque chose qui va le mettre lui en colère. Alors lui aussi, son four commence à chauffer encore plus. Après, lui, il te répond encore une autre chose. Et là, ça monte. La colère monte, monte, monte, monte, jusqu'à ce que, Allahul Musta'an, il est trop tard pour reculer, comme on dit. C'est comme une locomotive. Nasallallahu ala afiya. Après, qu'est-ce qu'il mentionne, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset? Il dit, hein, donc si tu réponds par qu'est-ce qui est meilleur, voilà celui avec qui tu avais une animosité, il devient comme un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent. Et il n'est donné qu'aux possédeurs d'une grâce infinie. Hein? Donc c'est pas n'importe qui arrive à contrôler son âme à ce point. Et il dit, et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche le refuge auprès d'Allah. Dis, a'udhu billah min ash-shaytanir rajim. Car c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. D'accord? Donc le cheikh il explique, il dit, lorsque le shaitan il vient pour te mettre la colère dans ton cœur, c'est comme un charbon, hein? Un morceau de charbon qui brûle, hein? Que le shaitan jette dans ton cœur ou dans le cœur du fils d'Adam. Et qu'il l'amène à se mettre en colère. Et cette colère, elle l'amène peut-être même à désobéir à Allah. Et il dit même que ça peut l'amener même au kufr, à la mécréance même. Parce que tu vas dire des paroles, peut-être c'est des paroles de kufr. Hein, tu vas faire des gestes, peut-être même tu vas tuer. Hein, peut-être même tu vas tuer quelqu'un. Et même que tu vas peut-être le tuer sans même faire exprès. Hein, et après tu vas regretter, tu vas regretter. Tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Hein? J'aurais dû me calmer. Mais non. Une fois, comme je dis, il y a des gens, des fois, ils n'ont pas prémédité de tuer quelqu'un, mais l'accident est arrivé. Ils ont poussé quelqu'un, la personne est tombée, elle a cassé sa tête. Il s'est cassé le cou, il est mort. Donc c'est pour dire, l'intention de la personne, ce n'était pas de le tuer, c'est juste de le pousser comme ça, juste pour qu'il arrête. Eh bien, l'accident est arrivé, puis la personne est morte. Hein? Ou bien ça amène à insultes, à dire des insultes, à dire des calomnies, à accuser des gens de choses dont ils sont innocents. à dire des paroles laides. Donc fais attention à ça. Il dit, le musulman, le croyant, il doit retenir son âme. Et ça aussi, c'est des histoires que lorsque un homme et sa femme, ils sont en colère les uns avec les autres. L'homme, le mari et la femme, les deux, ils doivent faire attention à ça. Les colères, la colère, ça c'est vraiment dangereux. Parce que quand ils sont en colère, ils vont dire des choses qu'ils ne pensent même pas. Peut-être qu'ils ne le pensent pas vraiment. Mais au moment de la colère, ils vont dire des choses, comme le cheikh dit, des paroles laides. Et puis après la colère, ils vont regretter d'avoir dit ça. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? C'est quoi le remède? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il dit que la personne qui est forte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déclaré que la personne qui se retient de faire ça, c'est elle qui est vraiment la personne qui est vraiment forte. La personne qui est forte, c'est pas la personne qui est capable d'écraser l'autre ou de maîtriser l'autre, de l'écraser par ses bras, par sa force physique. Mais la vraie force, c'est la personne que lorsqu'elle est en colère, avec ce que Allah lui a donné de la force de sa foi, elle arrive à se retenir. Et il dit, cette force de la foi, elle est plus forte que la force du corps. Elle est plus forte de la force de la foi, elle est plus forte que la force du corps. Et si elle arrive à maîtriser le corps, elle peut l'empêcher justement de tomber dans tous ses problèmes. Mais si la foi, elle est faible, alors là, elle n'arrive pas à retenir le corps. Et le corps fait n'importe quoi. Et la langue, elle embarque. Et la langue aussi, elle embarque là-dedans. Elle commence à dire n'importe quoi. La femme, sa force, c'est pas avec son corps physique. Là, sa force, c'est avec sa langue. Donc la femme, elle essaie de te faire mal avec sa langue. Et des fois, elle peut te faire même plus mal avec sa langue qu'avec avec son poing. Et elle essaie de trouver le point faible qui va te piquer, qui va te faire exploser de colère. Et puis toi, tu dois faire preuve de sagesse et de calme. Tu dis non, peu importe, je garde mon calme. Et puis tu restes dans ta sérénité, et plus t'es serein, plus t'es serein, et plus t'es calme, plus tu te contrôles, et plus qu'elle s'énerve, plus qu'elle s'énerve, parce qu'elle aime pas ça quand tu restes calme. Et quand le shaitan n'arrive pas à te toucher, là, il faut savoir dire les bonnes choses au bon moment, et chercher refuge en Allah. La femme croyante, elle doit se retenir, elle doit retenir sa langue. Comme l'homme, il doit retenir ses poings, il doit retenir sa force physique, par rapport à quelque chose qui se passe. Tu marches dans la rue, il y a un kafir qui t'insulte, il commence à te traiter de nom ou il insulte ta femme. Et là, toi, t'es costaud, t'es musclé, tu as envie d'aller lui donner une bonne raclée, comme on dit. Non, contrôle-toi, calme-toi, réponds pas. À ces insultes, laisse-le, ignore-le, parce que si tu réponds à cette colère, tu t'en vas, tu vas faire quelque chose, après tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive comme conséquence. La personne qui est forte, c'est la personne qui contrôle sa force, sa colère quand elle est en colère. Et le cheikh il dit, وَالْحَاصِلُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْإِنْفِعَالَ مَعَ الْغَضَبِ يُعَدُّ كَبِيرًا مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ. Donc si tu te laisses aller dans les réactions de la colère, eh bien ça c'est calculé parmi les grands péchés. Parmi les grands péchés, les kabaïr. En particulier si les conséquences de ça te ramènent à tomber dans un autre péché plus grand. Ça peut même t'amener à tuer, ça peut t'amener à insulter. Et même il y en a, sallallahu alayhi wa sallam, on ne comprend pas ça des fois, c'est comment des gens ils sont en colère contre quelqu'un. Et au lieu d'insulter la personne elle-même, ils insultent Allah. Ou ils insultent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou ils insultent la religion. Ça c'est du kufr. Donc ça fait que la personne elle va sortir même de l'islam à cause de cette colère. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il a cité un autre hadith qui est relié à ce sujet-là. Et on va lire ce hadith, puis on va s'arrêter après avec l'explication. Cheikh, il dit: Walil Bukhari, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alayhi wa sallam awsini. Qala la taghdab. Faraddada miraran. Qala la taghdab. Yani, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abi Huraira radiallahu anhu. Il dit qu'il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: donne-moi un conseil. Il a dit: ne te mets pas en colère. Alors l'homme a répété encore: donne-moi un conseil. Il a dit: ne te mets pas en colère. Il a dit: donne-moi un conseil. Il a dit: ne te mets pas en colère. Il a répété comme ça. Hein? C'est ça le hadith. Et donc le cheikh, il explique, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit: هذا رجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب وكان الرجل يريد أكثر من هذا فكرر على الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال بطلب الوصية فقال له لا تغضب ثم كرر عليه الثالثة فقال لا تغضب وهذا والله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الرجل كثير الغضب فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من الوصية ما يناسب حاله وهذا من وفور عقله صلى الله عليه وسلم بأن وصف العلاج المناسب للشخص المناسب فإن المسلم إن تجنب الغضب سلم من أمور كثيرة وإذا غضب كان على خطر عظيم فإن المرء إن غضب لم يدري ما يقول أو يفعل وقد يكون كلمة الكفر أو قد يقتل أو قد يطلق زوجته فهو لا يستطيع أن يمسك لسانه ولا يده ثم إذا ذهبت ثورة الغضب ندم حيث لا ينفع الندم. Donc le cheikh, il explique que cet homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander des conseils. Il a dit au messager d'Allah, donc donne-moi un conseil. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne te mets pas en colère. Et l'homme, il voulait plus que ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété la même chose encore. Hein? Quand il lui a demandé le conseil la deuxième fois, il a répété la même chose. Et quand il lui a dit, hein, encore une fois, la tardab, ne te fâche pas, il a répété une troisième fois: donne-moi un conseil. Il a dit encore une fois: la tardab, ne te fâche pas, ne te mets pas en colère. Et il dit ça, Allah sait mieux. Mais c'est probablement parce que l'homme en question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, savait que c'était quelqu'un, que cet homme-là, il se met beaucoup en colère. Il se met souvent en colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu lui donner un conseil qui correspond à son état et qui est en accord avec son état. Et il dit ça, c'est pour montrer à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tient compte donc de la personne et du remède qui lui convient. Et donc il dit que le musulman, il doit s'écarter de la colère, et s'il s'écarte de la colère, il va être sauvé de beaucoup de problèmes, de beaucoup de choses mauvaises, tandis que s'il se met en colère, il est en grand danger, parce que la personne, elle peut, quand elle est en colère, elle peut faire des choses ou dire des choses qu'elle ne sait même pas. Elle va dire des paroles de kufr, elle va tuer, ou même peut-être elle va divorcer sa femme, il va divorcer peut-être même sa femme. Hein? Il n'est pas capable de retenir sa langue ou sa main quand il est en colère. Hein? Peut-être il va même battre sa femme. Et ça, c'est grave. Et donc, lorsque la colère s'en va, se dissipe, eh bien la personne commence à avoir des remords. Pourquoi j'ai fait ça? Mais il est trop tard pour regretter, puisque la chose, elle a été faite. Hein? Et combien d'hommes, hein, Allah musta'an, des hommes, ils viennent te voir, ils viennent voir des ulama, des shuyukh ou des tulab ilm, des imams, ils leur disent: Cheikh, j'ai divorcé ma femme, j'étais en colère. Il dit: est-ce que ça compte? Hein? Est-ce que ça compte parce que j'étais en colère? Subhanallah. Quand est-ce que tu as vu, quand est-ce que tu as entendu ou que tu as vu parler d'un homme qui a divorcé sa femme alors qu'il était de pleine bonne humeur? Hein? Qu'il était de bonne humeur, il était content, il était calme, dans un état normal, et puis qu'il a dit comme ça, oui, je te divorce. Il a dit à sa femme, oui, je te divorce, comme ça. Non, ça n'arrive pas presque. C'est très rare que des choses comme ça peuvent se produire. C'est pour ça que la plupart du temps, les hommes, quand ils divorcent leur femme, ils divorcent quand ils sont en colère. Mais c'est pour ça que justement, quand tu es en colère, tu dois garder ta langue. Pour justement pas divorcer dans cet état-là. Parce que c'est dans ces moments-là, ça compte. Les ulama, ils ont dit la colère. Dans certains cas, oui, ça peut arriver que ce n'est pas calculé. Dans quel cas? Dans le cas d'une colère qui est tellement intense qu'elle approche l'état de la folie. C'est-à-dire une colère dans laquelle tu rentres, qui est tellement intense, tellement grave, que tu deviens comme fou. Tu détruis tout, tu casses tout, tu vois même pas qu'est-ce qui est devant toi, tu entends plus rien, tu vois plus rien, et puis tu dis des paroles, tu sais même pas ce que t'as dit. Ça, c'est comme le junoun. Dans des cas comme ça, oui, t'es pas responsable de ce que tu fais. Mais dans une colère normale, quand t'es fâché, là, puis tu dis des paroles, t'es conscient de ce que tu dis. T'es pas fou, donc t'as toute ta raison. Et donc tu dis des paroles, t'es fâché, mais t'es capable de te retenir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est celui qui est fort, c'est pas celui qui peut écraser les gens, c'est celui qui est capable de se retenir quand il est en colère. Donc retiens-toi, t'es capable de te retenir quand t'es en colère, et tu vas pas prononcer le divorce. Les gens, ils savent même pas. Et puis le pire aussi là-dedans, c'est qu'ils connaissent même pas les règles du divorce dans l'islam. Et ils savent pas quand est-ce que c'est permis de divorcer, quand est-ce que c'est pas permis. Ils savent pas, par exemple, que si ta femme elle a ses règles, t'as pas le droit de la divorcer dans l'islam. Et également, si par exemple elle est pas dans ses règles, elle est pas dans ses règles, c'est-à-dire elle est dans une période de pureté, mais que t'as eu un rapport sexuel avec elle le soir avant, ou bien elle est depuis qu'elle s'est purifiée, t'as eu un rapport sexuel avec elle, alors t'as pas le droit de la divorcer. Et ça, c'est qu'est-ce qu'ils appellent un talaq al-bid'i. C'est un talaq qui est innové. Ça fait pas partie de la sunna de divorcer sa femme de cette façon-là. Pour que tu puisses divorcer ta femme, il y a deux conditions. Il faut que ce soit dans un moment où elle a pas ses règles, et il faut que ce soit également un moment où tu n'as pas eu de rapport sexuel avec elle pendant cette période de pureté. Sinon, il y a des ulama qui considèrent que ça compte pas. Donc il y a des gens qui divorcent leur femme dans des moments de règles ou quand elles ont leur pureté, mais que ils ont eu des rapports avec elle. Et là, ils la divorcent. Il y a des ulama qui considèrent que ça compte, d'autres qui considèrent que ça compte pas. Donc c'est une fitna. Tu rentres dans une situation, là tu doutes. Tu sais plus, est-ce que c'est ma femme, est-ce que c'est pas ma femme, est-ce que je l'ai divorcée, est-ce qu'elle est en idda, est-ce qu'elle est pas en idda, est-ce qu'elle est dans la période, est-ce que j'ai le droit de la reprendre, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que ça fait deux fois que je l'ai divorcée, est-ce que ça fait trois fois, je m'en rappelle plus. Et c'est là que les problèmes commencent. Et là tu essaies de chercher une fatwa. T'appelles tous les ulama du monde entier pour avoir la réponse. Et tout ça, c'est à cause de la colère. Donc, pour éviter tout ça, contrôle-toi. Contrôle ta langue. Contrôle tes paroles quand tu es en colère. Et il y a même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, et puis on va le lire justement, pas besoin de le dire, on va lire les paroles de Cheikh Al-Fawzan, et va nous expliquer comment on doit agir quand on est en colère. Le Cheikh dit, فعلى المسلم إذا غضب أن يمسك زمام نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فالغضب يعالج بعدة طرق. الغضب يعالج بعدة طرق. فعليه أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الغضب من الشيطان. ثانيا أن يتوضأ لأن الغضب من الشيطان والشيطان مخلوق من نار والماء يطفئ النار. وثالثا إذا كان قائما فليقعد وإذا كان جالسا فليضطجع. يعني le cheikh il explique que si le musulman il est en colère, il doit se retenir, hein, il doit tirer les rênes de son cheval, hein, et il doit chercher le refuge d'Allah contre le shaitan. Et il dit pour remédier à la colère, il y a plusieurs façons. Il dit premièrement, qu'est-ce que tu dois faire quand tu es en colère? Tu cherches le refuge d'Allah contre le shaitan. Parce que la colère vient du shaitan. Donc ça c'est de un. Deuxièmement, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le wudu. Tu t'en vas, tu vas faire ton wudu. Pourquoi? Parce que la colère vient du shaitan et le shaitan, Allah l'a créé de feu. Donc l'eau éteint le feu. Tu fais ton wudu, tu éteins hein, la chaleur du shaitan. Troisième chose, qu'est-ce que tu fais? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu es en colère puis tu es debout, tu t'assois. Si tu es assis, tu te couches. Hein? Quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Tu es debout, tu t'assois. Si tu es assis, tu te couches. Pour éviter que tu fasses quelque chose de plus grave par la suite. Parce que si tu es debout, là tu peux hein, passer à l'action. Assis-toi. Là c'est plus dur déjà. Si tu étais déjà assis, lève-toi pas. Parce que si tu étais assis, puis que tu te lèves, tu vas augmenter ta colère. Assis-toi encore. Hein? Non seulement tu dois t'asseoir, tu es assis, tu dois te coucher maintenant. Si tu es couché, tu sais que tu vas te calmer plus vite. Mais si tu te lèves, hein, là c'est plus compliqué. Et le cheikh il dit, تَخَاسَمَ رَجُلَانِ وَصَارَ يَتَجَادَلَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَرَاهُمَا وَكَانَ يَصُبُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرِ فغضب الآخر واحمر وجهه وانتفخت أدواجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم وأخرج هذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن سرد وهذا مصداق لقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وفي الآية الأخرى إنه هو السميع العليم. أي نعم. Donc le cheikh il explique, il dit qu'il y a deux personnes qui se sont disputées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils commençaient à disputer puis à argumenter l'un avec l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de les regarder tous les deux. Hein? Il voit qu'un insulte l'autre. Un, il se met en colère et il insulte l'autre. L'autre, il lui répond et son visage est devenu rouge. Hein? Et son visage commence à, hein, il commence à gonfler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je connais une parole. Si lui, il avait dit cette parole-là, ce qu'il avait en lui-même comme colère serait parti. Cette parole, c'est de dire « A'ouzou billahi minash shaitanir rajim ». Et c'est comme ça, si tu es en colère à propos de quelque chose, tu demandes le refuge, hein, tu cherches le refuge en Allah contre le shaitan. Et comme c'est mentionné dans Sourate Al-A'raf, le verset 200, et dans Sourate Al-Shu'ara, le verset 220, et si le shaitan essaie de t'insouffler ou de pousser vers la colère ou des choses de dire des choses de mauvaises, tu cherches le refuge en Allah. Il est certes audient et omniscient. Donc on va terminer avec ça pour aujourd'hui, puis on continuera inshallah au prochain cours bi'iznillah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.